qui, ce qu'on pensait que c'était une journée bien tranquille dans le monde du sport, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, le Pro Bowl était là, puis finalement, autour de 14h50, une bombe atomique est survenue dans l'univers sportif mondial, puisqu'on a appris que la légende, l'ancienne grande vedette des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé dans un accident d'hélicoptère avec 8 autres passagers à bord. Évidemment, Kobe Bryant, ça marque l'imaginaire, et évidemment, on va parler avec une table ronde avec notre ami Pascal Jobin, notre collaborateur de basket. Salut Pascal! Bon matin! Et Mathieu Jolivet de RDS, que vous avez l'occasion d'entendre sur le réseau des sports, qui est descripteur des matchs de la NBA RDS. Salut Mathieu! Bon matin, messieurs! Pascal, je vais commencer avec toi. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était David Stern qui décédait, donc la NBA est durement frappée, hein? Ah, ben, tu le dis, durement frappé. David Stern, c'est une perte énorme pour sa famille, puis pour la NBA, la famille NBA, là. Mais, tu sais, Kobe Bryant, c'est une tragédie, Danny, là. J'en reviens pas encore. Je pense encore que c'est fake news. J'ai de la misère à y croire. Quand c'est arrivé hier, j'étais dans un gymnase à Riddell High School. C'était les matchs d'étoiles pour les Benjamin Mini de la Ligue de Montréal de basketball. Puis, vers une heure et quart, là, comme tu as dit, là, les gens sur les téléphones ont commencé à parler. J'étais comme, c'est quoi? Puis là, on y croyait pas. On y croyait pas, on voulait pas y croire. Tu sais, puis, ouais. C'est une tragédie. Puis ouais. Sa fille, ça. Ça ouais, ça, t'es bonne aussi. C'est hein. Vraiment, là, ouais. Tu travailles à la salle des nouvelles de RDS, donc tu sais un peu, je sais pas quel âge que toi, tu es à peu près fin trentaine, la manière qu'on peut voir à l'écran. Moi, tu dois sûrement t'en rappeler, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est avec un impact aussi grandiose, c'est Ayrton Senna. Tu sais, ça en parle partout, c'est la une partout dans le monde, en Chine, en Inde, en Australie, en Europe, c'est phénoménal. Là. Ouais, Senna est probablement le plus proche comparatif, je pense que tu as raison, j'essayais de penser à ça hier aussi, il y a eu quelqu'un qui m'a fait penser à Roy Halladay, mais Roy Halladay comme lanceur des ligues majeures de baseball avait un impact beaucoup moins global, c'était très triste, c'était aux États-Unis pas mal, en Amérique seulement qu'on en parlait. Kobe Bryant, c'est un icône mondial. Ouais. C'est quelqu'un qui est connu en Europe parce qu'il a grandi en Italie. C'est quelqu'un qui est adulé dans des marchés comme en Asie parce qu'il y a tellement de fans de basket là-bas. Les Africains, les jeunes Africains qui s'amènent dans la NBA, les Siakam, les Embiid, ils ont grandi aussi en regardant Kobe Bryant jouer. Donc, c'est aux quatre coins de la planète que tout le monde en pleure encore aujourd'hui. Puis, je suis un peu comme Pascal qui le mentionnait tout à l'heure, qu'on espérait que ce soit du fake news quand c'est sorti. Mais après quelques minutes de le voir apparaître partout, tu te dis, bon, ben ça peut pas être du fake news, ce serait trop cruel. Donc, ça a l'air que c'est vrai, puis j'ai encore des frissons à en parler. C'est vraiment une des plus tristes journées, pas juste dans l'histoire de la NBA, mais le sport professionnel. Ouais, ouais. Pascal, ce matin, je t'écoutais au 91.9, juste avant que c'est toi, il y a Romain Chéré, qui était un gars de Radio-Canada, que j'ai aimé beaucoup, beaucoup la comparaison. Il disait que c'est Kobe Bryant, c'est un Michael Jordan 2.0. Pour les gens qui n'ont pas vu Jordan, Kobe Bryant, ça représentait l'icône. J'aime la comparaison. Absolument. Ouais, hein? Oui, non, c'est écoute, on aime comparer, on veut toujours comparer. Écoute, Michael Jordan, Kobe Bryant, physiquement, je pense que la plus grande différence entre les deux, puis Kobe l'a toujours dit, Michael avait des plus grandes mains, mais physiquement similaire au niveau de grandeur, au niveau de poids. Kobe, des fois, il disait que Michael était peut-être un petit peu plus vite que lui, sautait peut-être un petit peu plus haut, mais qu'il avait un meilleur jeu de pied, exemple. Compétiteur phénoménal. Je pense que Kobe est reconnu pour son éthique de travail légendaire, presque encore plus légendaire que Michael Jordan. Mais t'as raison, ça s'est adonné qu'ils ont joué, ils ont gagné le championnat avec le même entraîneur. Donc Phil le Jackson. Même style de jeu, puis on est capable de regarder des séquences de Michael et de Kobe, et on dirait que c'est la même chose, tu pourrais les juxtaposer, les vidéos juxtaposées, et tu vois les mêmes mouvements, les conférences de presse, ils parlaient pareil, mais Phil... son Avant d'aller à Mathieu, ouais. Phil, dans son livre, dans sa biographie, Phil Jackson dit que, parce que semble-t-il que Kobe Bryant était, au début, quand il est arrivé avec les Lakers, c'est un joueur qui était égoïste, et Phil Jackson, lui, a fait rencontrer Jordan à Kobe Bryant. C'est par la suite que ça a été, on a vu le changement de, dans l'attitude de Kobe. Est-ce que t'es... Mais tu sais quoi, Michael était plus enjoué avec ses coéquipiers, un petit peu plus. Okay. Kobe, il a rentré, faut pas oublier qu'il est rentré à 17 ans dans la NBA. Mm. Il était avec des hommes. Mm. Quand les joueurs allaient dans un bar, lui, il fallait qu'il reste à l'hôtel. Mm. Et je pense que son premier contrat, c'est son père qui l'a signé parce qu'il n'avait pas 18 ans. C'est le fils de Jerry West qui le conduisait aux pratiques, tu vois. Ouais. Fait qu'il était quand même mis à l'écart et il a quand même gardé ce côté-là. C'est plus vers la fin de sa carrière qu'il était plus impliqué. Mais il était tellement un compétiteur qu'il voulait pas fraterniser avec les joueurs adverses, comme les jeunes. Ah, Mathieu, t'es d'accord, de nos jours, les joueurs fraternisent entre eux autres, mais Kobe, c'était comme, non, je veux te battre, là, je veux te planter. Et après sa carrière, ouais, on a vu les joueurs NBA s'entraîner avec Kobe. Ouais, vas-y, Mathieu. Une des choses que je lisais hier, que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est qu'il a appris à être un leader en cours de carrière. Ça rejoint un petit peu ce que Pascal vient de dire. C'est, là, je suis rentré, je voulais faire une espèce de tornade en arrivant avec les hommes, avec les pros de l'NBA. Il débarquait de l'école secondaire, avait pas vraiment de référence. On savait pas d'ailleurs à quel point il allait être bon. C'est pour ça qu'il a été pris 13e par Charlotte avant d'être échangé le soir du repêchage en 96. De repenser à ça aujourd'hui quand c'est un des 5 ou 10 plus grands joueurs de la ligue, c'est hallucinant. Mais il a appris à être un leader, il posait beaucoup de questions, il a compris en cours de carrière que ça pouvait pas juste être lui qui faisait 60 points par match, que ça allait pas être suffisant pour gagner des championnats. Ça lui a pris Shaq au début pour les 3 premiers, et après ça, quand Shaq est parti, c'était sa mission de prouver que c'était pas juste Shaq qui avait été la source de ses succès. On voulait absolument le refaire avec d'autres joueurs, et éventuellement le fait avec Pau Gasol. Mais c'est un gars qui a évolué devant nos yeux. Puis ça, c'est un autre gros morceau de la tristesse qui nous accompagne aujourd'hui. Moi, j'ai 40 ans. J'ai un an de différence avec Kobe Bryant. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu depuis toujours, depuis que l'Internet a commencé à être l'Internet. Mm. On avait des images de lui à tous les jours. On a connu. On a l'impression que c'est un frère ou que c'est quelqu'un qui était dans nos vies. Puis c'est ça qui fait aussi mal. Est-ce que c'est... hier, on a eu une discussion avec Pascal là-dessus. Je l'ai booké pour être en onde, Mathieu. Puis je vois ton opinion là-dessus. Tu sais, on dit souvent des messieurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Kobe Bryant, c'est Monsieur Lakers? Oui, le gros débat, puis il n'y aura jamais de réponse, puis c'est bien correct, comme ça, on n'a pas besoin d'en arriver à un consensus. Mais le gros débat, c'est Magic ou Kobe à Los Angeles. Je pense que c'est les deux icônes par excellence, c'est les deux gars qui n'auront pas porté un autre uniforme, c'était les deux symboles de leur génération, les deux ont remporté un paquet de titres, les deux avaient des espèces de personnalités polarisantes, le charisme infini. Magic aura été plus marquant parce qu'il a amené les années 80-90... avec Larry Bird, il a amené la NBA où elle est devenue, où elle est aujourd'hui d'une certaine façon, mais Kobe a joué plus longtemps, et Kobe a les chiffres à l'appui, donc est-ce que c'est Monsieur Laker devant Magic? Je pourrais pas dire, mais je pense que c'est un A et un B, et c'est pour ça qu'hier, tout le monde se réunissait devant le Staples Center pendant des heures, parce qu'ils savaient pas trop où aller, les partisans. Il y avait les Grammys là-bas hier soir, mais les gens, ils s'en foutaient pas mal des Grammys. C'est-à-dire, où est-ce qu'on se réunit pour pleurer ensemble? Ils auraient fait ça pour Magic, mais je suis pas sûr qu'ils auraient fait ça pour Kareem Abdul-Jabbar, pas sûr qu'ils l'auraient fait pour Shaq. Je pense que tout le monde a des parcours différents, puis ça, c'est les deux plus gros symboles. Il y en a qui parlent de Jerry West, puis il dit Jerry, le vrai Monsieur Laker, c'est Jerry West, Pascal. Mais c'est comme Mathieu l'a dit, il n'y a pas vraiment de réponse. Ouais. Moi, je ne peux pas vraiment m'associer à Jerry West, même si je suis beaucoup plus vieux que Mathieu. Ouais. Mais pour moi, j'ai grandi. Moi, Magic, c'est Magic Dr. J, mon premier toucher de basket. Mm. Après ça, c'était Jordan. Mais je suis tombé en amour avec Kobe parce que juste sa force sur le terrain, le côté compétitif. Puis, tu n'étais jamais déçu avec Kobe. Après un match, parce que tu sais qu'il va tout te donner. Puis, fait que pour moi, Jerry West, c'est le logo. Okay. Jerry West était la star jusqu'à un certain point. Il a fait beaucoup pour les Lakers. Et c'est Jerry West qui a reconnu le talent de Kobe en passant. C'est lui qui a fait l'échange. C'est lui qui a échangé Kobe pour Vlade Divac, si je ne me trompe pas. Ouais. Et Jerry West, il y a beaucoup, beaucoup à avoir avec le succès. Puis, tu sais quoi? Je pense que Jerry West te dirait que Monsieur Lakers, c'est Kobe Bryant. Ah oui. Mais il y en a beaucoup des messieurs. Je te parle de Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Mickey Mantle, de Derek Jeter. Est-ce que tu peux parler de... C'est qui, Monsieur Yankees, là-dedans? Je pense que les cartes sont là-dedans. Tu sais, Mathieu, tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, tu sais, des franchises qui ont gagné autant de championnats. Il faut se rappeler, les Lakers, c'est 16 ou 17 titres. Je pense que c'est 16. Exact. Et les Yankees, les Canadiens. Essayez de déterminer dans les Canadiens de Montréal, c'est qui le plus grand icône entre Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. C'est une discussion qui peut être intéressante, mais qui mènera pas à une réponse ultime. Et pour moi, c'est les plus grandes concessions que le sport professionnel nord-américain nous offre. Ouais. Donc, juste de faire partie de la discussion là, pour un bonhomme qui avait 41 ans et qui avait tellement accompli en 20 saisons, qui est dans cette discussion-là, c'est tout un exploit. Mais, Mathieu, l'héritage que va laisser Kobe à la NBA? Oh, wow, quelle question. Ouais. Écoute, je pense que Kobe... Michael Jordan est responsable des Kobe Bryant de ce monde et Kobe est ensuite probablement responsable de ce qu'on voit en ce moment avec les LeBron, les Luka Doncic. Il continue d'en influencer même à la retraite. Je pense qu'il est devenu ce symbole-là à l'échelle mondiale. Quand je regarde ces vieilles images de lui à 17, 18, 20, 22 ans qui attaquait l'anneau avec une espèce de rage, qui voulait tout arracher, tout gagner, qui aurait vendu son âme pour gagner quelques matchs de plus. Moi, je pense que son héritage y est là. Et en plus, la façon qu'il se comportait hors terrain. Il y a eu une histoire là au Colorado. Ah oui, je vais t'en parler. Je vais en parler avec vraiment dommage, mais je pense que c'est pas de ça que les gens vont se rappeler. Je pense qu'après ça, il a été pas mal exemplaire à l'extérieur du terrain. On le voyait en entrevue, c'était un gars éduqué, c'était un gars qui curieux, c'est un gars qui allait faire plein de choses de son après-carrière, qui avait déjà commencé à le faire. Donc, je pense que son héritage est vraiment multiple et riche à ce niveau-là. Pascal, vas-y avec l'héritage, puis après ça, je vais te poser une question parce que je ne la poserai pas à Mathieu, parce que Mathieu est dans une salle de nouvelles. Donc, vas-y, toi, avec Pour moi, c'est si tu veux atteindre un haut niveau dans ton art, tu dois y mettre le temps. Et Kobe est l'exemple de ça. Dans n'importe quoi. Et c'est ça qui est bon de Kobe Bryant, dans n'importe quoi. Ben, il a écrit un livre là-dessus, je pense, d'ailleurs. Exactement, mais tu sais que d'en faire plus, tu peux pas juste t'asseoir sur ton talent, pas juste t'asseoir sur tes opportunités. Make the best of it. Puis je pense que les jeunes joueurs, écoute, il a fait un camp cet été, il y avait une trentaine de joueurs NBA qui ont été faire 3 jours au Mamba Academy. Là, on parle de Paul George qui était là, Kawhi Leonard était là, DeMar DeRozan, Kyrie Irving. Jamal Murray était là. Écoute, c'est phénoménal. Mais je pense que quand on parle de Mamba mentality, c'est Kobe Bryant. Et si tu fais que ce soit basket, baseball, tu veux devenir entrepreneur, you have to work, you have to, faut que tu comprennes ce que tu fais. Puis j'aime ça, je vais finir avec ça, son émission, le Detail. Puis moi, je suis un entraîneur, je regarde à l'université, je regarde au cégep. Tous les petits détails que tu peux apporter pour améliorer, c'est Kobe. Et c'est vraiment cet effort-là de comprendre tout ce que tu as à faire. Et je pense que son legacy, comme je dis, là, c'est vraiment que si tu veux atteindre un haut niveau, ça ne sera pas donné. Il faut aller le chercher, il faut que tu travailles, il faut que tu le développes. Et c'est cette confiance-là qui amène à ces jeunes athlètes-là. OK. Pascal, comment tu trouves ça, les médias ce matin qui parlent de cette histoire-là qui est arrivée en 2003? Moi, je trouve ça très déplacé. Je trouve ça... Écoute, qu'on le dise, oui, il faut le dire. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais qu'on le dise quand les corps n'ont même pas été retrouvés. Là, ça fait même pas 24 heures qu'on nous raconte ça. Moi, je trouve ça un manque de classe. Comment tu trouves ça? Mais ça, c'est... Puis Mathieu sera d'accord avec moi. Je veux dire, ce sont certains médias. Ouais. À ce que je me trompe, il est acquitté. Ouais. Mathieu, je me trompe-tu? Oui, il y a eu un règlement hors cours. Ça a été réglé. On n'aura jamais la vie. Ouais. Tu sais, à quelque part, peut-être qu'on veut en parler. Comme Mathieu il a bien expliqué, dans la vie, des gens font certaines erreurs, ils se passent certaines situations. Mais je pense que si tu prends les 41 ans de Kobe, c'est pas mal assez bien distribué. Moi, c'est pas quelque chose que je vais parler, que je vais m'allonger dessus. Là, il s'est passé, je me souviens quand c'est arrivé. Ouais. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Et ces gens-là sont tellement exposés au vice aussi. Absolument. Ils sont tellement exposés au vice. Danny, je rajouterais à ça que Michael Jordan, c'était pas un enfant de cœur non plus. Là. Non. Je veux pas commencer à comparer tout ça. Je veux juste dire, souvent, les plus grands joueurs, que peu importe le sport, ils ont des démons peut-être ou des affaires à combattre. Michael Jordan, c'est un gambler. On saura jamais peut-être pourquoi il est parti jouer au baseball. Peut-être que c'était lié à ça. Mais est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qu'on se rappelle d'eux? Moi, je crois pas. Je crois que c'est un grain de sable dans l'engrenage. Puis je pense que Kobe Bryant, son leg, ça va être purement basket et compétiteur et que cette histoire-là va être reléguée aux oubliés. Effectivement. Mathieu, je te félicite. Je te l'ai fait en dehors des ondes. Je vais te le faire en ondes. Félicitations pour tout ce que vous faites cette année. Hey, moi et Pascal, on a crié. Comment qu'on a crié, Pascal, sur on a parlé de ça pendant 5-6 ans. Pascal l'a fait à TVA Sports, mais comment que la couverture de la NBA au Québec faisait pitié. Là, maintenant, avec votre podcast du Centre-Ville que j'écoute à toutes les deux semaines, la semaine de week-end, la semaine de la NBA, qui aurait pensé ça il y a 2-3 ans qu'il y aurait à tous les soirs un match de NBA? C'est phénoménal. Tu vas me dire que le Canadien jouait pas, c'est vrai, mais il fallait qu'il fasse pareil. Bravo à RDS de nous couvrir la NBA autant que vous faites. Bravo de nous faire découvrir également les joueurs. Le joueur qui s'en va à Arizona, là, qui a été fait en direct à RDS. T'es super gentil, Danny. Je pense que Pascal est bien placé pour le savoir. On avance à petits pas. L'univers médiatique au Québec, c'est hockey, puis ça l'a toujours été, mais Canadien il y a moyen d'autres choses. Canadien pour hockey, c'est très différent. Là. Canadien. On a beaucoup de bonnes têtes de sport dans toutes sortes d'autres sports. Le basket, c'est un des sports qui va continuer d'émerger. Fait que de pouvoir avancer tranquillement comme ça dans la sphère médiatique, ça fait beaucoup de bien. Puis j'apprécie beaucoup, c'est très gentil. Mathieu Jolivet et Pascal Jobin, messieurs, merci beaucoup. Merci, Danny. Pascal Jobin et Mathieu, je vais nous parler du décès de Kobe Bryant hier à l'âge de 41 ans.